Exercice 7, page 116. A. C'est un roi ou une reine? B. C'est au 3 ou au 4? C. C'est à toi ou à moi? D. C'est le mois où tu pars? E. C'est le bois où tu cours? F. C'est la fois où tu jouais?